Chapitre troisième. Victor et Raoul causèrent un moment ensemble, puis il arriva que ce dernier, ayant échangé quelques mots avec son voisin de droite, l'officier de marine et Victor lièrent conversation à leur tour. « Monsieur, dit l'officier tout bas, excusez-moi, mais je suis arrivé hier seulement, et je ne connais ici que les maîtres de la maison. » Victor s'inclina. « Pourriez-vous me dire le nom du monsieur qui est là, en face de nous ?»« C'est un Parisien. » répondit Victor. Albert Morel. Hein ? Cette exclamation fut prononcée avec une intonation bizarre qui surprit Victor. Ce nom vous étonnera-t-il ? Demanda-t-il à l'officier de marine. Oui et non. Comment cela ? Oui, car ce monsieur ressemble trait pour trait à une personne que j'ai connue aux colonies. Vraiment ? Non, c'est je suis simplement le jouet d'une méprise, car alors ce monsieur a parfaitement le droit de s'appeler comme il veut. Mais, dit Victor, vous le voyez donc ce matin pour la première fois ? Oui, monsieur. Cependant, vous êtes arrivé hier soir, me disiez-vous. Il était couché. Je viens de le voir rentrer ici tout à l'heure. Et il paraît au mieux avec le maître de la maison. Ils sont voisins de terre, ici ? Non, en Poitou. C'est singulier, répéta l'officier de marine. Il ressemble étrangement à un homme que j'ai connu. Cependant, il a levé sur moi un regard parfaitement indifférent et mon nom, qu'on a prononcé devant lui, n'a produit sur sa physionomie aucune impression. Enfin, il s'appelle Albert Morel. Monsieur, dit Victor, vous êtes marin. Par conséquent, vous avez beaucoup voyagé. J'ai fait deux fois le tour du monde. Par conséquent, vous avez pu apprécier peut-être le plus ou moins de vérité de cette croyance qui veut que chaque homme est un sosie. J'ai beaucoup entendu parler de cela, monsieur, mais il ne m'a point été donné de le constater de mes propres yeux. Alors je comprends votre étonnement en croyant reconnaître dans M. Morel un homme que j'ai vu se battre en duel. En quel pays ? Au Brésil, à Rio. Quand ? Oh, il y a 10 ans passés. D'ailleurs, on se levait de table et l'aîné des Montalais, Amaury, décrochant sa trompe qui se trouvait suspendue à un bois de serre, avait entonné un vigoureux bout de sel. Victor n'osa pas insister et demanda à l'officier les détails de cette aventure. À cheval, messieurs, à cheval ! Tel fut le mot d'ordre qui conduisit les chasseurs dans la cour. Sur la dernière marche du perron, un domestique était en train de nettoyer une paire de bottes à l'écuyère. Celui qu'ils avaient porté avait fait sans doute un long trajet, car elles étaient fort crottées, et le dessous de la semelle était empreint d'une boue jaunâtre d'une teinte toute particulière. Lorsque Victor descendit le perron, il regarda par hasard ses bottes et cette boue, et il tressaillit. « Voilà, pensa-t-il, une boue que je n'ai jamais vue nulle part ailleurs que dans le parc de la Martinière. » « Allons, Victor, à cheval !» répéta M. de Montalais, père. Victor de Pasqua ne s'arrêta pas plus longtemps à regarder les bottes crottées, et il mit le pied à l'étrier. Tout aussitôt, on partit. Ainsi que l'avaient annoncé les maîtres de la maison, le rendez-vous de chasse était un peu loin, et on avait à faire plus d'une heure de marche avant d'entrer sous bois. Soit que le hasard s'en fût mêlé, soit que déjà une vague de sympathie les attira l'un vers l'autre, l'officier de marine et le jeune Saint-Cyrien rangèrent leurs chevaux côte à côte et se trouvèrent les derniers de la petite troupe. « Tiens, dit le marin, puisque nous voilà de nouveau réunis, nous allons causer, n'est-ce pas ?»« Oh, d'autant plus volontiers, fit Victor, que je brûle de savoir l'histoire de M. Albert Morel. »« Mais, monsieur, fit le marin en souriant, si comme vous dites, chaque homme a son saisie, il est à peu près certain que le nom du monsieur dont nous parlons n'est pas celui de l'homme que j'ai connu. » « Eh bien, n'importe, » dit Victor. Le marin jeta au Saint-Cyrien un mélancolique regard. « Vous êtes jeune, monsieur, » dit-il. « J'ai 19 ans. »« Et vous n'avez encore connu la vie que par le côté sérieux des études, c'est-à-dire le plus frivole au point de vue de l'expérience et des passions humaines. »« Oh, » dit Victor, un peu choqué dans sa vanité, « qui sait ?» Le marin se prit à sourire. « Savez-vous que si... » Ce qu'à Dieu ne plaise, ce monsieur Albert Morel était l'homme dont je parle, vous éprouveriez pour lui une aversion profonde lorsque je vous aurais raconté son histoire. Soit, dit Victor, que la curiosité aiguillonnait énergiquement. Le marin et le futur sous-lieutenant avaient laissé peu à peu la petite troupe des chasseurs prendre de l'avance sur eux. Combien mettrons-nous de temps à parcourir la distance qui nous sépare du rendez-vous ? Demanda le marin. Au moins 1 heure, monsieur. L'histoire du bonhomme est longue, et il faut plus d'une heure pour la raconter. Eh bien, dites-moi toujours une partie. Et le reste, vous ferez comme pour les romans qu'on publie dans les journaux. Vous remettrez la fin demain. Je le veux bien. Victor se tourna à demi sur sa selle et le marin, l'imitant, commença son récit. Ce récit est trop important et doit tenir une trop large place dans la suite de cette histoire pour que nous ne la rapportions pas d'un bout à l'autre et presque textuellement. Monsieur, avait dit le marin, vous me permettrez de donner un titre à mon histoire et de la diviser au besoin par chapitre, comme il vous plaira. Et si vous voulez, je l'appellerai « Un duel transatlantique ». Voici l'histoire du marin. Paragraphe 1. Un soir d'avril de l'année 1840 et quelques, un jeune homme, dont la mise irréprochable et la tournure gracieuse accusaient ce type d'élégance oisive qui a souvent changé de nom tout en demeurant le même et qui s'est appelé Mascadin, Dandy, Lion et tout récemment Gandin, un jeune homme, disons-nous, après avoir remonté à petit pas la rue Thébou, vint s'asseoir devant une de ces tables rondes que le café de Paris a, le premier, dressé à sa porte et en plein air. Bien qu'on ne fût alors qu'en avril, la chaleur avait été précoce cette année-là, et l'asphalte des trottoirs était brûlant. Il y avait foule devant le café de Paris, et le nouveau venu, quand il se fut assis, s'aperçut qu'il venait d'occuper la seule table demeurée libre. La chaussée était encombrée de voitures qui allaient au bois ou qui en revenaient. Les trottoirs étaient couverts d'une foule compacte de promeneurs. Le jeune homme tira de sa poche un étui à cigares et il s'apprêtait à demander du feu au garçon lorsque deux jeunes gens en costume de ville, mais dont les cheveux en brosse, la moustache et la redingote boutonnée jusqu'au menton trahissaient des militaires, s'approchèrent, jetèrent un coup d'œil à droite et à gauche et ne trouvant aucune table vacante, vinrent s'asseoir sans façon à celle du personnage que nous venons de décrire. Il eût été de bon goût de la part de ces messieurs de saluer le jeune homme et de lui demander la permission de se placer auprès de lui. Il n'en fit rien. Le jeune homme, que nous appellerons Raymond de Luz, ne sourcilla point et demeura calme. Seulement, lorsque le garçon de café arriva portant un plateau et qu'il voulut placer les verres de Malaga commandés par ces messieurs sur la table, M. Raymond de Luz eut un geste hautain et lui dit sèchement « Ôtez-moi ça de là !» Les deux officiers tressaillirent et l'un d'eux le regarda en face. « Mon petit monsieur, dit-il, aussi vrai que je m'appelle Charles de Valserre, je vous couperai les oreilles demain matin, si vous ne vous levez et vous en allez sur le champ. »« Monsieur, répondit Raymond de Luz, je ne suis pas officier, mais on n'a jamais songé à me couper les oreilles. Cependant, si la fantaisie vous en prend, je suis à vos ordres. » Et il tendit sa carte du bout des doigts. Celui qui s'était donné le nom de Charles de Valserre prit cette carte et y jeta les yeux négligemment. Puis il remit la sienne en échange, ajoutant « Vous aurez mes témoins demain matin. »« C'est inutile, monsieur, » plaît-il. « Venez avec eux demain à 7 heures au bois derrière le pavillon de Madrid. J'y serai avec les miens. »« Soit. Vos armes. »« Eh, mais, » dit Raymond de Luz avec un sourire ailleurs, « puisque vous avez l'intention de me couper les oreilles, ce sera sans doute avec un sabre. » « Monsieur, le sabre est une arme d'officier. Vous n'êtes pas militaire. Ce sera le pistolet, si vous voulez. » Monsieur Raymond de Luz s'inclina. Puis, comme en ce moment de personnes assises à une table voisine venaient de se lever, Monsieur Charles de Valserre et son ami prirent place, laissant Monsieur Raymond de Luz seul propriétaire de la sienne. Ce dernier prit son café avec un calme parfait, acheva son pur rabanne, se leva avec la même insouciance et le même flegme, puis s'en alla fort tranquillement, traversant le boulevard à la hauteur de la rue de Choiseul, dans laquelle il s'engagea. À l'extrémité de cette rue, il s'arrêta pour sonner à une porte au-dessus de laquelle était inscrit le numéro 3. On le voyait sans doute venir souvent dans cette maison, car le concierge, ayant entrebâillé le carreau de sa loge, le salua et lui dit « Monsieur le baron vient de rentrer. »« Ah, tant mieux, » fit Raymond. Il monta lestement par un bel escalier jusqu'à l'entresol. Un nègre vint lui ouvrir. « Bonjour, Neptunio. Ton maître y est-il ? » ?»« Eh, parbleu, oui, j'y suis !» dit une voix jeune et sonore. Et Raymond vit la portière d'un fumoir se soulever, et un jeune homme, qui avait encore son chapeau sur la tête, se montra et tendit la main à son visiteur. « Bonjour, cher ami, » dit-il, « je rentre à l'instant. » L'homme chez qui Raymond pénétrait était un grand et beau garçon d'environ 25 ans, à la barbe noire comme du jais, aux yeux d'un bleu sombre. Il avait la taille fine et souple, le pied admirablement petit et cambré, des mains de femme, et un je ne sais quoi de nonchalant dans toute sa personne qui décelait une origine coloniale. Il prit son visiteur par la main et le fit entrer dans le fumoir, une jolie pièce tendue de cuir, garnie d'ottomanes, ornée d'étagères qui supportaient des curiosités et des chinoiseries. « Bonjour, mon cher Raymond, » répéta-t-il en le poussant dans un fauteuil. « Je ne t'attendais pas ce soir et ne comptais pas te revoir avant demain, car j'avais résolu dans ma sagesse de ne pas aller au club et de me coucher de bonne heure. Ah, tu sais que nous avons joué toute la nuit dernière. Hélas !» fit Raymond en souriant. « Et le paquebot qui m'apporte mes revenus dans 5 jours n'a qu'à bien se tenir contre le vent. S'il faisait naufrage, je serais momentanément ruiné. Hé hé !» fit l'hôte de Raymond. « J'ai été comme lui, fort malmené, ce me semble. Je ne dis pas non. Mais ce n'est point pour additionner nos pertes que je suis venu. Ah, et pourquoi ? Pour t'engager à persévérer dans ta résolution et à te coucher de bonne heure d'abord. Bon, ensuite, parce que tu te lèveras de grand matin demain. « Oh !» fit le jeune homme, « voilà qui sent une promenade au bois. »« Justement. » L'hôte de Raymond fronça le sourcil. Comme le marin en était là de son récit, Victor de Pasquois lui dit, « Je gage que le monsieur de la rue de Choiseul et celui à qui vous avez servi de témoin n'en font qu'un. »« Peut-être, mais attendez. » Et le marin continua.